Le Canadien de Montréal hier a gagné contre les Leafs de Toronto lors du septième match. On en parle avec Dominique Roussel. Salut Dom. Salut Danny. Dom, et moi je suis pas surpris, j'avais prédit une victoire du Canadien 3-1. Parce que quand ton adversaire dans les câbles, comme les Leafs ont eu le Canadien dans les câbles à deux reprises, ils ont remonté la pente et ils ont perdu en prolongation. Lorsque ton adversaire dans les câbles et t'en profites pas, normalement, le momentum change de bord. Donc, je suis pas surpris du tout. Et quel match parfait du Canadien hier. Ouais, les Canadiens ont vraiment travaillé fort. Je veux dire, je pense qu'ils ont donné tout ce qu'il y avait. Puis si tu regardes les Leafs, on dirait qu'ils roulaient à peu près à 75%, là. Je pense qu'il y a eu du découragement de leur part un peu, de la façon que les Canadiens jouaient, là, homme pour homme, puis tout le temps sa rondelle en premier. Puis aussitôt que les Leafs touchaient la rondelle, se faisait frapper, se faisait bloquer. Les Canadiens ont aussi bien bloqué l'enclave en général. C'est sûr que ça n'a pas été parfait, puis quand ça ne l'était pas, ben Price était là. Mais tu sais, je pense toujours que si tu regardes les deux équipes, si tu mettais le même gardien des deux bords, peut-être que les Leafs auraient remporté la série. Ben, je pense que Mais. Brendan Gallagher, le but de Gallagher, hier, ça a donné le ton pareil. Tu sais, si Ouais. Campbell fait l'arrêt, on parle, c'est peut-être pas le même match, là. C'est sûr, ben. Surtout avec le fait que les Leafs ont tellement eu de la misère à battre Price. Puis là, tout d'un coup, on commence le match 1-0 en arrière, mais le but, la façon que c'est marqué aussi, ça aide pas. Je veux dire, c'est un joueur des Leafs, tu te dis, bon, mais Price, on est prêt à battre de le battre, puis notre gardien en laisse passer un comme ça. C'est pas quelque chose qui est bien encourageant pour l'équipe. Puis le Canadien en a profité. Ils ont quand même essayé le plus possible de fermer le jeu. Les Leafs, eux autres, les Leafs, je veux dire, c'est une équipe, c'est certain que dans le vestiaire du Canadien, là, on disait, OK, les Leafs aiment ça avoir de l'espace, aiment ça faire des passes, déjouer tout le monde, puis on va leur couper leur espace, on va leur couper, genre, tu sais, puis c'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas été capables de tu sais, ils ont été gâtés toute l'année avec leur jeu ouvert, puis marqué des buts, puis là, ils n'ont pas été capables de le faire, puis ça a complètement brisé leur plan de match. Écoute, Mitch Marner et Austin Matthews, je pense que c'est Matthews, je pense qu'il y avait un tir au but hier dans le match seulement. On les a carrément pas vus de cette série-là. Tu sais, dans le sport, peu importe, pour gagner, il faut que tes meilleurs joueurs soient meilleurs que les autres meilleurs joueurs de l'autre équipe. Et c'est ça qui est arrivé. Price était vraiment la bougie d'allumage du Canadien. Enfin, moi, j'ai été très critique avec Price, mais je dois l'admettre, là, je dois faire mon mea culpa. Depuis 2015, pourcentage de rennes 929. Donc, on ne peut pas dire grand-chose de lui dans les séries depuis 2015. Non, puis tu sais, Carey, c'est un gars de série, c'est un gars de grosse pression. Puis je me souviens quand je jouais dans la Ligue nationale, j'étais un petit peu ce type de gardien de but-là. Tu sais, quand c'était un match plus important, je jouais toujours mieux que quand c'était un match moins important. Puis j'étais un gars calme, un peu comme Carey. Puis les personnalités calmes comme ça, là, quand tu arrives dans des matchs importants, tu montes ton jeu d'un cran, puis c'est ça qui a fait. Il a vraiment monté son jeu d'un cran dans les séries. Puis c'est là qu'on voit pourquoi Marc Bergevin il est resté derrière lui là, malgré les critiques. Puis c'est pour ça, il sait, tu sais, je veux dire, il savait que Carey dans les séries, c'est là qu'il était pour être à son meilleur. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis je pense pas que c'est fini. Je pense pas que Carey va s'écrouler en deuxième ronde. Non. Fait que ça va être intéressant de voir ça là, contre le Buck. Ouais. Mais avant de parler de contre Winnipeg, comment tu t'attends à ça, je veux te parler d'une équipe de hockey. Tu étais dans le vestiaire, Dominique. Comment se fait-il que les Leafs de Toronto aient un passé de loser dans cette organisation-là? Pourtant, ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes organisations. Les Red Sox de Boston, les Yankees et les Cubs de Chicago ont été 100 ans sans gagner un titre et c'était également pas là. Comment ça se fait? C'est-tu psychologique, ça? Ben, s'il y a une raison psychologique en arrière de ça, là, c'est les attentes. T'sais, les Leafs sont souvent rentrés en série, t'sais, il y a eu des grosses déceptions, mais pourquoi que c'est des grosses déceptions? C'est parce que les attentes sont élevées. Les Leafs cette année, je veux dire, à Toronto, là, ce qu'on pensait des Leafs, c'est qu'il y avait une chance d'aller à la Coupe Stanley. Puis là, on joue contre le Canadien qui n'est pas une grosse équipe. Ça devrait bien aller pour passer en première ronde. Après ça, la deuxième ronde, ça aurait été les Jets qui sont capables de battre. Fait que, tu sais, là, je pense qu'ils voyaient leur chemin vers la finale avant d'être arrivés. Puis les attentes sont élevées. Fait qu'il y a plus de pression. Puis si tu tombes dans une situation difficile, comme qu'ils ont eu contre le Canadien, par exemple, pas capable de battre le gardien ou tomber 1 ou 2-0 dans la série en arrière, je pense que la pression peut être étouffante à Toronto. C'est vraiment un des endroits où tu as le plus de pression dans la ligue côté partisans, attentes, médias, tout. Fait que s'il y a une raison psychologique en arrière de ça, c'est ça. Sinon, comme tu as dit tantôt, c'est pas les mêmes joueurs, je veux dire. Fait que ça peut être un add-on aussi, ça donne comme ça. Fait que tu sais, c'est pas évident là, quand tu arrives en série de te rendre en finale puis gagner la Coupe Stanley, même si les attentes sont élevées, le faire, c'est une autre chose. Gros rendement de Philippe Dano, faut pas l'oublier, hier, 67% aux mises en jeu. Ça, Ouais, c'est important. Dans puis la série, c'est important, les mises en jeu. certains. Puis tantôt, tu parlais de Austin Matthews, le trio Austin Matthews. Le trio de Philippe Dano a fait un travail incroyable. Tu sais, dernier match, comme tu le disais, Matthews a un tir au but, là. C'est un joueur qui a marqué puis marqué toute la saison, là, match après match. Fait que Philippe Dano, c'est pas un gars qui marque de beaucoup de buts, mais quel travail défensif qui peut faire. Tu sais, ça me fait penser un peu à Guy Carbonneau des temps Carbonneau. modernes, ouais, c'est ça que je partais pour dire aussi, des Steve Casper, des gunmen, là. C'est ça. Fait que tu sais, puis Dominique Ducharme, il a vraiment fait un bon travail d'utilisation de ses joueurs, dont Philippe Dano contre Austin Matthews. Faire jouer ses défenseurs qui a plus confiance, plus de temps de glace. Il a changé des petites choses dans le système de jeu. Tu sais, il a pris l'équipe. Au début, c'était difficile. Je pense qu'il a planté plusieurs petites choses au fur et à mesure. Puis quand il est arrivé dans la série, le système du Canadien était prêt. L'équipe était prête. Puis ils ont exécuté autant les entraîneurs que les joueurs. Puis ça a donné des résultats. Mais ouais, Philippe Dano, tu sais, c'est un petit peu comme un Patrice Bergeron qui marque pas de but. Mais le côté défensif, par contre, il l'a. Ouais, effectivement. Hey, Dominique Ducharme, on en a parlé avant de rentrer en Londres. Penses-tu que Dominique Ducharme a sauvé son job? Sûrement, hein? Moi, je pense que oui, tu pars avec une saison, un changement d'entraîneur, des hauts, des bas. Tu joues contre une équipe de tête, les Leafs de Toronto. L'autre chose, c'est les Leafs de Toronto avec la rivalité puis tout ça. Passe en deuxième ronde depuis longtemps que c'est pas arrivé. Ben en fait, pas tant que ça, là, mais l'année passée quand même, mais. Je veux dire, c'est passé en deuxième ronde avec une équipe qui n'est pas nantie tant que ça. Puis quand on regarde comment ça s'est joué sur la glace, on voit qu'il y a eu un gros rôle dans les performances de l'équipe. Moi, je pense qu'il s'est sécurisé un job avec le Canadien. Ouais, c'est clair. Comment tu vois ça contre Winnipeg? Contre les Jets, ben, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est le combat de gardien de but. Oui, hein? J'ai bien hâte de voir ça. Connor Lebuck, écoute, je pense qu'il est pas mal plus solide. Lebuck, s'il joue à Winnipeg, c'est un des cinq meilleurs gardiens de but de la Ligue. Es-tu d'accord avec moi? Ah, c'est certain. C'est un goaler qui a gagné le Vézina. Cette année, il y a eu des hauts puis des bas. Début de saison un peu lent. Après ça, il a commencé à vraiment bien jouer. Fin de saison un petit peu moins bonne. T'sais, un petit peu comme Carey, un petit peu des hauts puis des bas dans la saison. Puis là, il est arrivé des séries éliminatoires. Puis t'sais, en pourcentage de règles, c'est le premier là, dans la Ligue des séries éliminatoires. Puis si un gars qui peut égaler les performances de Price, il y en a un, ça en est un. Les Bucks, Grubauer, Vasilevskiy. Ces gars-là, ils seraient capables peut-être de l'accoter. Fait que si le duel est de gardien de but est très serré, ça peut être une série encore qui s'en va en 7 parce que les Jets de Winnipeg, je veux dire, c'est une équipe qui est axée plus sur l'offensive, un petit peu comme Toronto en fait. Une très bonne ligne descente aussi. C'est ça. Fait que je pense que ça peut être très serré. Puis je pense que même quand je dis en 7, peut-être que le Canadien pourra aller chercher ça en 6. Ah, c'est ça, oui, tant que ça. Ouais. OK. Donc, ça va être intéressant. Hey, Dominique, je veux te parler de Marc-André Fleury. Tu es un ancien gardien de but, donc, Marc-André Fleury, écoute, comment tu as trouvé ça que l'entraîneur des Knights enlève Marc-André Fleury au profit de Robert Leonard? C'est vrai que tu as deux bons gardiens de but, sauf que Marc-André Fleury, en série, c'est lui qui les a amenés là. Je trouve ça très ordinaire, un peu chiant de lui. Les Golden Knights, ils ont, dans le fond, ce qu'ils ont dit, là, si j'ai bien compris, c'est qu'ils voulaient leur poser. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais surpris. J'ai cherché partout pour savoir pourquoi il l'avait pas mis. J'ai dit peut-être qu'il est blessé. Tu sais, il a fait quelque 36, chose. 37 ans, est-ce que c'est, il y a encore la forme pour garder vue autant de matchs en série? Ben, moi, je pense, c'est certain. Oui, hein? Puis, tu sais, Leonard, c'est un gardien de but qui a eu des difficultés cette année. Ça n'a pas été facile. Puis, si tu as vu les matchs qu'il a joué cette année ou le match qu'il a joué en série, tu vois qu'il est lent. Tu sais, il manque de rapidité. Et je ne sais pas si c'est sa condition physique ou quoi, mais il manque de rapidité. Il n'est pas assez rapide à comparer des autres gardiens en ce moment dans la Ligue nationale. Est-ce qu'ils ont voulu donner de l'expérience? Est-ce qu'ils voulaient donner quelques matchs pour préparer le futur de l'équipe? Parce que Marc-André Fleury ne pourra pas être là jusqu'à 50 ans non plus. Ben, c'est ça. Est-ce que c'est Marc-André Fleury qui est allé voir l'équipe et a dit, écoute, je t'attends, je ne suis plus capable? Je ne sais pas. Mais si c'est vraiment une décision de l'entraîneur de dire, ben, on le met de côté, peu importe la raison, à moins d'une blessure. Moi aussi, je trouve ça très ordinaire. Moi, si je suis dans les souliers de Marc-André Fleury, je trouve ça un petit peu un manque de respect. Par contre, si c'est une décision qui a été prise avec Marc-André Fleury, là, c'est d'autres choses. On connaît pas tout ce qui peut s'avoir passé à l'interne, là. Fait que c'est. Donc, je veux pas juger trop durement, mais quand même, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça ordinaire. Ça peut faire mal aux Golden Ben Knights parce oui, que ben c'est oui. pas juste qu'ils ont perdu le match. C'est de Ils la sont en façon fait. qu'il l'a perdu C'est aussi. ça, c'est 7 à 1, là, c'est 7 buts, il n'y a pas eu de filet désert là-dedans, là, c'est Non, 7 buts. Fait que ça part mal une série. non. Fait que est-ce qu'ils vont s'en remettre? OK, ils ont l'équipe pour le faire, mais ça part bien mal une série. Ouais, c'est clair, c'est clair. Quel but McKinnon, c'est son deuxième but, hein? Oh! Comment qu'il a vraiment. As-tu son accélération? Son accélération puis sa vitesse de croisière Ouais. aussi. Tu sais, Ouais. c'est McKinnon, là, c'est deux enjambées, puis il prend sa vitesse de croisière, comme on a vu sur ce but-là, qui est vraiment rapide. Quand il se met en marche, là, c'est très difficile de l'arrêter, puis c'est comme si, malgré la vitesse, il y a des joueurs qui patinent rapidement, tu sais, mettons, Byron, exemple, mais à un moment donné, il arrive, puis il va tellement vite, puis il n'a pas les mains, puis la dextérité pour réussir à faire un move, là, à dernière seconde, de jouer le gardien. C'est comme s'il arrivait trop vite sur le gardien, mais McKinnon, même avec toute cette vitesse-là, on dirait qu'il a quand même le temps de penser puis faire ses mouvements pour déjouer le défenseur puis le gardien de but. C'est vraiment impressionnant de le voir aller. En plus, c'est un gros bonhomme, tu sais. Quelqu'un qui se met devant puis il frappe, il risque de tomber. Fait que. On n'en parle pas, ça. On parle beaucoup de, t'sais, on parle beaucoup de McDavid, de Crosby, mais McKinnon doit être dans les conversations aussi, là. T'sais. Ouais, c'est sûr, tant qu'à moi, il est dans les trois meilleurs. Puis il y a un gars qui est oublié souvent, c'est Kucherov aussi. Il est peut-être un peu moins spectaculaire que McDavid ou McKinnon, mais Kucherov, c'est tout un joueur de hockey. Là, si tu lui donnes un petit peu de temps, un peu d'espace, là, il peut faire des choses assez extraordinaires aussi. Okay. Dom, on va s'en parler durant la série Canadien Winnipeg, si tu permets. C'est bon. Notre ami Dominique Roussel qui commentait la victoire du Canadien hier.